Machiavel par Charles Didier. L'histoire n'a pas de nom plus controversé que celui de Machiavel. Porté aux cieux par quelques-uns, précipité par les autres au fond des abîmes, il a éprouvé de longues vicissitudes, des péripéties sans nombre. Il y a bien peu d'années que l'impartiale vérité a pu se faire jour à travers le chaos des opinions contradictoires. Et c'est aujourd'hui seulement qu'il est permis de parler de Machiavel sans lui décerner l'apothéose ou l'insulte. Machiavel n'est ni un ange ni un démon. C'est un homme de son siècle, enfanté par lui, nourri par lui, tenant à lui par ses mauvais comme par ses bons côtés, le représentant dans ses vices comme dans ses vertus. Accepter Machiavel tout entier, c'est accepter son siècle sans réserve. Or, cela n'est pas possible. On accepte le passé comme un fait accompli, comme un fils accepte son père. Mais de même que dans une succession, tout n'est pas bon à recueillir, ainsi, dans les doctrines d'un siècle, dans ses croyances, dans ses coutumes, il importe de faire un choix et de discerner le bien du mal, l'absolu du relatif, l'éternel du transitoire. C'est-à-dire, en un mot, qu'on ne doit jamais accepter un siècle que sous bénéfice d'inventaire. D'autre part, repousser Machiavel parce qu'il exprime les idées de son temps et s'est imbu de ses principes, c'est porter un arrêt inique, c'est le charger seul d'une responsabilité dont une moitié ne lui appartient pas. Quelque génie qu'est un homme, l'âge où il vit est un milieu dont il subit malgré lui les influences. Il ne saurait y échapper, ni rompre avec ses contemporains. Il n'acquiert même d'empire sur eux que sous la condition expresse de vivre de la même vie qu'eux, de tremper dans leurs passions, dans leurs erreurs même, et il ne se fait pardonner de leur être supérieur en un point qu'en leur ressemblant parmi l'autre. Tel fut Machiavel, l'Italien du XVIe siècle par excellence, terrible assemblage de grandeur et de misère, de ruse et d'audace, d'aspirations généreuses et d'instincts mauvais, soleil plein de taches, mais fécond toujours et toujours puissant. Machiavel, l'homme, vit passer devant lui la race des Borgia et mourir Savonarola, le prêtre tribun, le dernier prophète de la liberté expirant des Florentins. Machiavel enfant avait assisté à la conjuration des Pazzi. Il avait vu les pavés du temple ruisseler du sang des Médicis. Plus tard, il vit sa république courber la tête sous le joug de cette famille heureuse. Nul homme n'assista à plus de scènes opposées, car nul siècle ne présenta jamais plus de contraste. C'est à ce double point de vue qu'il faut étudier Machiavel pour le comprendre et porter sur lui un jugement équitable. Il y a deux parts à faire, celle de l'homme et celle du temps. Car il y a entre le siècle et l'homme solidarité de gloire comme de censure. Ils s'expliquent réciproquement et servent à se justifier l'un par l'autre. Nicolas Machiavel naquit en 1469 d'une famille pauvre mais considérée. Il avait 9 ans lorsqu'éclata la conspiration avortée des Pazzi. Il vit, quelques années plus tard, l'expédition de Charles VIII. Et c'est de là que date l'aversion qu'il ne cessa jamais depuis de professer contre les Français. Délivré de l'ineptie de Pierre de Médicis, Florence était alors en pleine République. Machiavel fut nommé à 29 ans secrétaire du gouvernement, charge qu'il occupa près de 15 années. Ce long espace fut rempli par un nombre considérable de missions diplomatiques. Il fut envoyé d'abord en ambassade auprès de la comtesse de Forlì et auprès de Louis XII. Il alla ensuite à Pistoiese, puis à Imola, chez César Borgia, dont le génie adroit et perfide lui fit une impression profonde et pour l'habileté duquel, il faut bien le dire, il eut toujours un faible. À Sienne, il traita avec Pandolfe Petrucci, à Pérouse avec Baglioni, visitant ainsi l'un après l'autre tous ces petits princes d'Italie qu'il appelait des rognures dans son âcre ironie. Il fut investi cependant d'une mission plus importante. Il revint en France, où il resta assez longtemps à la suite de Louis XII. Il fut envoyé au conclave d'où sortit Jules II, suivit plus tard ce pape de Rome à Bologne, et se rendit l'année suivante auprès de l'empereur avec une mission qui n'eut pas de résultat. C'est dans ces différentes négociations qu'il forma au maniement des affaires son esprit souple et pratique. Et indépendamment de l'intérêt historique que présentent ses dépêches, elles sont écrites d'un style fort, simple, précis, qui faisait dès lors pressentir le grand écrivain. Ses dépêches sont piquantes aussi comme tableau fidèle des mœurs du temps. On y voit que les ambassadeurs d'alors étaient fort peu rétribués. le traitement de Machiavel ne dépassait guère 6 francs par jour. Encore lui était-il fort irrégulièrement payé. Il s'en plaint dans toutes ses lettres. Il n'en est pas une seule dans laquelle il ne demande de l'argent à son avare république. Tantôt c'est pour payer ses mules ou son hôtellerie, tantôt c'est pour acheter un manteau neuf, le vieux étant en fort mauvais état. On déplore, à la lecture de ces documents curieux, qu'un esprit si vaste se soit perdu dans des intérêts si mesquins, et que la Providence ne lui ait pas assigné un rôle politique à hauteur de ses facultés. La République florentine n'était plus que l'ombre d'elle-même. Gouvernée par l'honnête mais faible gonfalonier Soderini, elle mettait tout son art à éviter les chocs et à passer inaperçue et inoffensive entre les grands corps qui menaçaient alors l'équilibre européen. Elle ne vivait plus que d'artifice et, pour ainsi dire, par surprise. La race des grands citoyens était depuis longtemps couchée dans la tombe. L'administration des premiers Médicis avait énervé les âmes et étouffé les vertus civiques. Machiavel s'en plaint amèrement et gémit de n'avoir pas été jeté par les destins sur un plus grand théâtre. Le lion se débat avec impatience sous les entraves dont il est chargé. Au retour de ses diverses ambassades, il se retire à la campagne et donne à l'étude et à la muse tout le temps qu'il peut dérober à des affaires dont la petitesse l'obsède. On a de lui, sous les titres de première et seconde décennale, 2 pièces de vers qui ne sont que la paraphrase poétique de ses dépêches et une récapitulation des événements dont il a été le témoin. Ces petits poèmes sont écrits en tercine, à la manière du Dante qu'il rappelle quelquefois par la vigueur et la concision. On lit dans la seconde décennale ces vers fiers et amers, qui semblent une prophétie de sa propre destinée. Il s'agit du brave capitaine Giacomino, qui mourut dans l'abandon et la pauvreté après avoir rendu à la République d'éminents services. Avaro dell'onor, largo dell'oro, e di tanta virtù vice capace, che merita assai più, chi odon l'onoro. Ed or ne letto, e vili peso ghiace, il lu sue case, pover, vecchio e cieco, tanto a fortuna chi ben la fa dispiace. Avare de l'honneur, prodigue d'or, il vécut capable de tant de vertus qu'il mérite bien plus que je ne l'honore. Et maintenant il vit dans sa maison négligée et méprisée, pauvre, vieux et aveugle, tant déplaît à la fortune celui qui fait le bien. Ici la fortune de Machiavel change. Le gouvernement de la République échappe des mains pusillanimes de Soderini. Les Médicis triomphent de nouveau à l'aide des Espagnols. La liberté est perdue, la restauration de la tyrannie est complète. Il est triste de dire que Machiavel adhéra au nouvel ordre de choses, bien loin de protester contre les nouveaux maîtres. Peut-être avait-il jugé la révolution inévitable, nécessaire. Peut-être avait-il fondé sur elle les espérances d'un avenir plus glorieux pour Florence. Quoi qu'il en soit, son adhésion fut méprisée et sa personne éloignée des affaires. Il fut cassé de sa charge et exilé de la ville pour 1 année. C'est à cette époque que se rapporte la conjuration vraie ou fausse ourdie contre le cardinal Jean de Médicis depuis Léon X. C'était la tête forte de la famille, le seul qu'on craignit. Il s'agissait de se défaire de lui comme il se rendait au conclave d'où il sortit pape. Machiavel, soupçonné de complicité, fut arrêté, emprisonné et mis à la torture. Sa force d'âme l'abandonna. Il se comporta dans sa disgrâce, plus en suppliant qu'en martyr. Du fond de la prison d'Estinque, il adressa à Julien de Médicis 2 sonnets où il demande grâce et pitié, en affectant de cacher soigneusement le citoyen derrière le poète. Ses démarches sont peu nobles, et tout spirituel que soient les vers du captif en voudrait les effacer de sa vie. Enfin, il fut relâché, mais il ne rentra pas aux affaires. Il eut beau se mettre au pied des Médicis, il n'obtint rien d'eux. Il n'était pourtant pas difficile et se fut contenté de peu. « Qu'il m'emploie, » écrivait-il à son ami Vettori, « ne fût-ce qu'à rouler une pierre, ils ne s'en repentiront pas. » Cette soumission servile serait inexcusable s'il ne fallait pardonner quelque chose à l'horreur, à l'effroi, qu'inspirent aux hommes pratiques l'inaction et les longs ennuis de l'oisiveté. Mais le grand homme, un instant terrassé, se relève, il se retrouve, il se ressaisit lui-même, il puise dans le travail des consolations et des distractions dignes de lui. Trop pauvre pour vivre à Florence après son exil, il se retira dans sa campagne de San Cacciano avec sa femme Marie Corsini et ses 5 enfants. Disons en passant qu'une si nombreuse famille est pour Machiavel une circonstance atténuante et justifie jusqu'à un certain point ses instances réitérées auprès des Médicis. Un père de famille pauvre a bien de la peine à rester un citoyen ferme et constant. Aussi faut-il bien se garder de donner trop tôt des otages à la fortune. C'est de la campagne que Machiavel écrit à Vettori une lettre devenue fameuse, où il met sa vie à nu et raconte en détail ses occupations, ses tristesses, ses espérances. Laissons-le parler lui-même. N'ôtons pas à ses paroles leur âpre énergie. Je me tiens à la campagne et depuis mes derniers malheurs, je n'ai pas été à Florence 20 jours en les cousant tous ensemble. Jusqu'ici, j'ai chassé aux grives, levé avec le jour, j'ajustais mes gluots, et je m'en allais avec un paquet de cash sur le dos, ressemblant à Guetta quand il revient du port avec les livres d'Amphitryon. J'ai passé ainsi tout septembre. Cependant, ce divertissement m'a manqué à mon grand déplaisir. Je m'en vais maintenant dans un bois que je fais couper. J'y passe 2 heures à revoir l'ouvrage du jour précédent et à tuer le temps avec les bûcherons qui ont toujours quelques nouvelles disputes entre eux ou avec les voisins. Parti du bois, je m'en vais à la fontaine et de là à mon paretaggio avec un livre sous le bras. C'est tantôt Dante, tantôt Pétrarque ou quelques poètes moins célèbres comme Tibulle ou Ovide. Je lis leurs amoureuses passions, leurs tendresses. Je me rappelle les miennes et je jouis quelque temps de cette pensée. Je vais ensuite à l'hôtellerie, je cause avec les passants. Je leur demande des nouvelles de leur pays. J'entends beaucoup de choses, je remarque les différents goûts et les diverses imaginations des hommes. Après dîner, je retourne à l'hôtellerie où ordinairement je trouve l'hôte, un boucher, un meunier et 2 chauffourniers. Je m'oublie avec eux tous les jours à jouer à cricket ou au tric-trac. Là, bientôt naissent 1000 disputes, 1000 colères, accompagnées de paroles injurieuses. Le plus souvent, c'est pour un quatrain, et néanmoins, on nous entend crier de San Cacciano. Vautré dans cette abjection, j'empêche mon cerveau de se moisir. Je développe la malignité de ma fortune, satisfait qu'elle me foule aux pieds de la sorte, pour voir si elle n'en aura pas de honte. Le soir venu, je retourne à la maison, j'entre dans mon cabinet. Sur le seuil, je me dépouille de mon habit de paysan plein de boue et de saleté. Je me revêt de mes habits de barreau. Et ainsi, décemment vêtu, j'entre dans la noble cour des hommes antiques. Accueilli par eux avec amour, je me repais de cette nourriture, la seule qui me convienne et pour laquelle je sois né. Je ne crains pas de m'entretenir avec eux et de leur demander compte de leurs actions. Je n'éprouve pendant 4 heures aucun ennui. J'oublie toute peine. Je ne redoute pas la pauvreté et la mort ne m'épouvante plus. Je me transporte tout entier en eux. Et comme Dante dit qu'il n'y aura pas de science si on a retenu ce qu'on a entendu, j'ai noté ce qui m'a frappé dans leur conversation et j'ai composé un opuscule des principautés, des principatibus. Je m'enfonce le plus que je peux dans la profonde pensée du sujet. J'examine ce que c'est qu'une principauté, de quelles espèces sont les principautés, comment on les acquiert, comment on les garde et comment on les perd. Si jamais quelqu'un de mes caprices, Ghiribizzo, vous a plu, celui-là ne vous déplaira pas, et il devra être agréable à un prince nouveau. Aussi, je l'adresse à la magnificence de Julien. Cette lettre remarquable se termine par une nouvelle offre de service aux Médicis. Car, dit-il, je me consume, et je ne peux pas rester longtemps ainsi sans que la pauvreté me rende méprisable. Quant à ma foi, on ne devrait pas en douter parce que, l'ayant toujours gardée, je ne dois pas apprendre à la rompre. Qui a été fidèle jusqu'à l'âge de 43 ans, ne doit pas changer de nature. Mon indigence est le garant de ma fidélité et de ma probité. Toujours repoussé, toujours dédaigné, il écrit encore à quelque temps de là, au même Vettori. Je resterai donc au milieu des méaillons, sans trouver un homme qui se souvienne de mes services, ou qui croit que je puisse être bon à quelque chose. Il est impossible que je demeure plus longtemps dans un tel état. Je me consume, et je crois que si Dieu ne se montre pas plus favorable, je serai un jour forcé de quitter ma maison et de m'aller ensevelir dans quelque désert pour enseigner à lire aux enfants. Ma famille s'imaginera que je suis mort. Elle sera plus heureuse sans moi. Je lui suis à charge, étant accoutumé à dépenser et ne sachant pas économiser. Je ne vous écris pas pour vous engager à prendre de l'embarras pour moi, mais seulement pour me soulager et pour ne rien dire sur ce sujet odieux. Ces plaintes du grand homme sont déchirantes. tant d'adversité l'absout de bien des fautes. Et quand on songe combien d'intrigants obscurs et imbéciles entouraient le trône naissant des Médicis et trafiquaient des affaires de la patrie, tandis que le véritable homme d'État languissait dans l'exil et dans la misère, on déplore la destinée des empires qui, trop souvent, sont l'apanage et la proie de l'ineptie cupide et de la bassesse impudente. Tout à coup, le ton des lettres de Machiavel change. Une passion nouvelle est entrée dans son cœur, il est amoureux. Cet amour romanesque et poétique rappelle les ravissantes pages où Rousseau nous dit les chastes feux dont il brûlait sous les ombrages d'Aubonne au pied de Madame d'Oudeteau. Voici comment Machiavel raconte à son ami sa mystérieuse passion. Étant dans ma villa, j'ai eu une aventure si douce, si délicate, si noble, que je ne saurais la louer et l'aimer autant qu'elle le mérite. Je devrais, comme vous l'avez fait avec moi, vous raconter les commencements de cet amour, vous dire dans quel raie il me prit, où et comment il l'étendit. Vous verriez que ce sont des raies d'or, tissus pour Vénus, et si suaves, si purs, qu'un cœur malhonnête seul eût pu les rompre. Je ne le voulus pas. À un moment, je m'y abandonnais tellement que les fils, d'abord délicats, sont devenus si forts qu'il n'est plus possible de les briser. Ne croyez pas que, pour s'emparer de moi, l'amour ait employé ses moyens ordinaires. Comme je les connaissais, il ne lui aurait pas suffi. Qu'il vous suffise de savoir que, bien que je sois près de la cinquantaine, je ne suis arrêté ni par le soleil, ni par les chemins sauvages, ni par l'obscurité des nuits. Tout chemin me paraît droit, et je m'accommode aux habitudes les plus différentes des miennes, à celles même qui leur sont le plus contraires. Quoique je me sois mis dans un grand embarras, je trouve tant de bonheur dans ce regard merveilleux et enivrant, et cette douce consolation a si bien éloigné de moi le souvenir de mes douleurs, que pouvant devenir libre, je n'y consentirai pas. J'ai laissé de côté les pensées grandes et graves. Je n'ai plus de plaisir à lire les choses antiques, ni à raisonner de choses modernes. Tout cela, pour moi, s'est converti en conversation délicieuse. Machiavel amoureux est un spectacle si nouveau pour nous, si imprévu, que nous avons dû le laisser lui-même raconter son cœur. On voit que s'il était un père soucieux et inquiet de l'avenir de ses enfants, il était loin d'être un mari constant. Des commentateurs ont pris la chose au sérieux. Ils se sont portés garants de sa fidélité conjugale et ont déclaré qu'il ne s'agissait point ici d'un amour réel, mais d'une pure allégorie. Cette leçon est tout au plus bonne pour consoler les mânes outragées de Marie Corsini. Nous venons de voir que le prince fut composé pendant les loisirs champêtres de Machiavel. Ce titre ambitieux de prince, qui a prévalu dans la postérité, n'appartient point à l'auteur. Il ne parle de son ouvrage que comme d'une suite d'opuscules sur les principautés et n'a jamais entendu faire un traité ex professo. Cette circonstance, si peu importante qu'elle paraisse, change cependant le point de vue de la critique. Ramené à ces termes, le prince n'est plus un livre de principe mais un livre d'observation, ce qui change beaucoup la question. Le prince est comme le complément des négociations du secrétaire florentin. Et c'est bien plutôt un recueil de faits et d'événements accomplis qu'un corps de doctrine, une théorie gouvernementale absolue et rigoureusement déduite. Le prince est le code du pouvoir, tel qu'on le concevait au XVIe siècle, un discours académico, comme disent les Italiens, sur les moyens de l'atteindre et de s'y tenir. Jamais, il est vrai, la philosophie de l'habileté sans entrailles et du succès à tout prix n'avait été si audacieusement professée. Mais c'était tellement les idées et la politique du temps que Laurent de Médicis accepta la dédicace de l'ouvrage et que Léon X le protégea ouvertement. Cet ouvrage, né à l'origine des grandes monarchies européennes et du despotisme universel enfanté par elles, a une importance historique et relative bien plutôt qu'une valeur philosophique et systématique. Et je répète qu'il ne doit pas être considéré comme un corps de doctrine, mais comme un miroir exact et sincère des idées du temps. Toutefois, malgré les erreurs et les tristes propositions dont il est semé, il faut reconnaître que Machiavel pose ça et là des principes dont l'avenir a démontré la justesse et la vérité. Ainsi, par exemple, il condamne hautement les confiscations et il ne cesse de répéter à chaque page que toute force politique résidant dans le peuple est la seule base sûre et durable des principautés. Le prince a sa contrepartie dans les discours sur les décades de Tite-Live qui furent composés peu de temps après et qu'on peut regarder comme le plus beau cours d'histoire romaine qui ait jamais été fait. Si le prince est le code du despotisme, les discours sont le code de la liberté. Ici, ce n'est plus l'individu qui s'assujettit l'État et qui l'exploite. Comme dans le prince, au profit d'une personnalité dévorante, c'est l'État qui règne. L'individu est subordonné à la masse. L'intérêt privé disparaît dans l'intérêt public. Les rapports sont bien changés et les points de vue ne sont plus les mêmes. Le respect de l'homme pour l'homme respire à chaque page de ses admirables discours. Gouverner, ce n'est plus seulement réussir, c'est développer les ressources de l'État, travailler à sa grandeur, le rendre fort et durable. Machiavel a dans l'esprit une dualité qui explique ses apparentes contradictions. Il reconnaît d'une part la République, de l'autre la monarchie. Toutes ses sympathies de cœur et d'intelligence sont pour la première forme. La seconde est infligée selon lui par la Providence aux peuples énervés et corrompus qui n'ont pas su se conserver libres. Ceux-là, il ne cesse de les poursuivre de son mépris et il les livre en pâture à son prince. Mais il s'incline avec respect devant ceux qui ont su maintenir leurs droits et le peuple romain, qui pour lui représente le type de la République, est l'objet particulier de sa prédilection et de son culte. Comme il en parle avec orgueil, comme il admire son effort gigantesque et son indomptable vouloir. Dans quels termes entraînants il loue son amour de la liberté et son inextinguible haine de la royauté. Avec quelle joie il assiste, spectateur passionné, au déroulement glorieux de ses destinées. Avec quelle insistance, avec quelle autorité il le propose en modèle à son Italie esclave et divisée. Machiavel tempérait la gravité de ses études politiques par des occupations littéraires. Le poète prenait de temps en temps la plume du publiciste. La Mandragore fut composée à cette époque, toujours dans la rustique retraite de San Cassiano. Cette comédie, bien supérieure en force comique à tout ce qu'a jamais écrit Goldoni, est un chef-d'œuvre d'esprit, de finesse, de dialogue, de conduite. Quoiqu'elle soit d'une moralité équivoque et libre jusqu'à la licence, à ce titre, elle plut beaucoup à Léon X. Les détails les plus scabreux y sont présentés avec tant de grâce et de finesse que les scrupules des consciences timorées tombent ou s'apaisent. La Mandragore a quelque chose d'antique, qui annonce une profonde étude du théâtre latin. La Clinzia s'en rapproche davantage encore, et ce n'est qu'une imitation de la Cassina de Plaute. Machiavel traduit ensuite littéralement l'Andrienne de Terence et composa deux autres comédies originales. La première, qui est en prose, n'est qu'une longue satire des moines, déjà fort durement personnifiée dans l'abominable frère Timothée de la Mandragore, véritable type du Tartuffe. La seconde est en vers et dans le goût antique. La scène se passe dans l'ancienne République romaine. Ce sont deux maris qui changent de femme. Le poète place dans la bouche de Crémès l'un de ses personnages, une espèce de sermon conjugal qui rappelle souvent Molière et dont plus d'un ménage pourrait faire son profit. Afin, dit-il, qu'aucun de vous ne se repente d'avoir épousé sa femme et qu'aucune femme ne se repente de vous avoir épousé vos autres maris, il faut se gouverner avec prudence, surtout dans les commencements, qui sont très importants. Il faut accoutumer vos femmes à des procédés que vous puissiez améliorer, sans aller jamais en arrière. Faites en sorte qu'elles ne soient jamais dans l'oisiveté, ni seules, ni longtemps avec d'autres femmes. En peu de temps, une méchante femme en gâterait mille bonnes. Ne leur refusez pas les choses honnêtes, ne leur accordez point les choses qui ne sont pas convenables. Arrangez-vous de manière à les honorer beaucoup en public. Mais la maison, tenez-les soumises. Si vous croyez jamais aux sourires, aux plaintes, aux paroles des femmes, vous serez trompé. L'homme est le chef de la femme, et comme la femme est d'une portion de l'homme, puisqu'elle est née de lui, l'homme doit la régir et la guider de manière à lui rappeler toujours qu'elle est sa propre substance. Ce qui manque aux femmes, Dieu l'a donné à l'homme, pour qu'il la supplée à leurs défauts, comme bon chef et non comme tyran. Votre vie et vos mœurs doivent être ce que vous voulez que soit celle de votre femme, parce que la femme n'a pas de miroir où elle se mire plus que dans celui de son mari. Soyez gai et bienveillant, et non pas ennuyeux et boudeur. Soyez quelquefois grave et sévère, et non léger et inconstant. Soyez avec elle prompt au bien, tardif au mal, modeste et surtout honnête. Survient-il entre vous quelques disputes, comme il arrive trop souvent? Rabattez en face et virilement leurs prétentions, s'il s'agit d'une question relative à la santé, au bien, à l'honneur, à la réputation. Dans les autres circonstances, il est bien de céder quelquefois, car il a une double sagesse, l'homme qui laisse par moments passer trois pains pour deux. Parmi les dons que le Dieu de la nature a concédés aux misérables mortels, la paix surpasse tous les autres. Je parle de celle que de nos jours le monde rencontre rarement, au milieu de ses trésors, de ses pompes et de ses délices, de cette paix qui par faveur naît dans notre cœur et de la complaisance et d'un véritable amour. Que cet amour donc, que cette paix sincère vous unisse toujours, vous étreigne, vous lie tellement qu'aucun orage ne vous dégage et ne vous sépare. Que tous vos jours soient heureux et longs, que vos yeux voient vos enfants, les fils de vos enfants, et que votre fin, je vous en conjure, soit telle que jamais vous n'ayez de regret d'avoir eu envie l'un de l'autre. On reconnaît, en lisant ces diverses comédies, que personne en Italie ne possédait mieux que Machiavel l'entente de la scène. Il ne la devait pas à l'habitude du théâtre, puisqu'alors il n'y en avait pas. Aucune de ses pièces n'avait été composée pour la représentation. Mais son génie pratique avait supplié à l'expérience et lui avait révélé les secrets du drame, cette grande et fidèle image de la vie humaine. Aucun dramaturge italien ne l'a surpassé depuis, ni même atteint. Le triste exilé n'écrivit pas seulement des comédies dans les loisirs poétiques de son inaction forcée. Il composa L'Âne d'or, satire dantesque par le style, mais souvent obscure par les détails, et qui n'est qu'une imitation de la célèbre fable de Plutarque et d'Apulée. Ben ensuite ses Capitoli, sorte de discours en vers sur des sujets moraux, l'occasion, la fortune, l'ingratitude, tout s'écrit en tercine, avec une vigueur et une concision dignes de sa prose. Tous ses poèmes ont un fond d'âcre mélancolie, hélas, trop légitime dans son abandon. Il passe de la plainte au regret, de la colère à l'ironie, avec une verve sombre et acerbe. Puis, tout à coup, son front se déride, les nuages se dissipent, il tombe dans des gaietés folles, en d'extravagantes imaginations. Telles sont ses statues pour une bizarre compagnie, Capitoli per una bizzarra compagnia, et des diableries poétiques que Teniers n'eût pas désavouées. Toutefois, malgré cette variété de ton et cette souplesse de style, Machiavel n'est tout à fait lui que lorsqu'il aborde de près ou de loin la politique. Alors il se retrouve tout entier, il rentre dans sa force et dans sa puissance. Il n'en avait pas moins de sérieuses prétentions à la poésie, et il fut grièvement blessé, qu'Arius eût omis son nom dans la liste des poètes contemporains. C'est dans cette variété de travaux et d'études que Machiavel passa les 8 ans que dura son éloignement des affaires. Le moment approche où il va rentrer. Déjà, en 1520, Léon X l'avait fait consulter sur le gouvernement de Florence. Machiavel avait conseillé aux Médicis de rétablir la République. Le conseil n'avait pas été suivi. L'année suivante, on le rappelle, il reçoit une mission pour les moines de Carpi. La chute était dure. Il s'y résigne pourtant, et il en plaisante avec son ami Guicciardini, qui était alors gouverneur de Molène, et avec lequel il entretenait une correspondance familière sur les affaires du temps. Il fut chargé plus tard d'une mission commerciale à Venise, où nous apprenons qu'il gagnait à la loterie 3 000 ducats. Mais ces ambassades dérisoires ne saurait nous occuper et nous laisserons l'ambassadeur pour l'écrivain. Le pape Clément VII, qui avait succédé à Léon X et qui était aussi un Médicis, avait exprimé le désir que Machiavel écrivît l'histoire de Florence. Machiavel s'empressa de l'acquiescer au vœu du pape et il mit la main à l'œuvre sur le champ. Jusque-là, il n'était connu que comme publiciste, pas encore comme historien. Car sa vie de Castruccio, composée dans ses années d'exil, est un roman plutôt qu'une histoire. Les histoires florentines parurent en 1525. Elles commencent à l'année 379 et s'arrêtent en 1492 à la mort du premier Laurent de Médicis. Machiavel, historien, tient à la fois de Tacite par la concision et de Tite-Live par les harangues qu'il met dans la bouche des personnages historiques. Quoiqu'il sacrifie beaucoup au style, l'ouvrage est peu artiste. Il est tout politique. Toujours clair, toujours pressant, parfois trop rapide, il manque souvent de développement et l'on voudrait plus de détails. Il arrive quelquefois la sécheresse à force de sobriété, à la raideur à force de concision. Quant au fond des idées, il se montre admirateur sincère des antiques mœurs républicaines, des vieux héros florentins, et il parle des Médicis avec une impartialité qui n'était pas sans courage. Quoiqu'il tombe encore çà et là, comme dans Le Prince, dans la philosophie du succès, il faut cependant lui rendre cette justice, que la vertu a toujours son culte et qu'il s'incline à chaque pas devant la constance, la bravoure, la fidélité. sa plume mâle et nerveuse a des paroles grandes pour tout ce qui est grand. Sincère jusqu'à l'austérité, elle ne laisse passer impunie ni l'égoïsme ni la faiblesse. Nous venons de voir Machiavel, tour à tour homme d'action, publiciste, poète, historien. Il reste à considérer en lui l'écrivain militaire. Il avait un penchant décidé pour la stratégie. Il en avait fait de bonne heure l'objet de ses études. Et, secrétaire de la République, il avait contribué par ses conseils et sa présence à la conquête de Pise. À peine débarrassé de son histoire, il se livra tout entier à ses instincts militaires et publia son livre sur l'art de la guerre. Il suppose quelques jeunes Florentins de ses amis réunis dans les jardins Rouquelaille, autour du vieux Fabrice Colonne, dans la bouche duquel il met ses enseignements. Le guerrier n'épargne à ses compatriotes ni les réprimandes ni les leçons. Jaloux de ranimer en eux le génie militaire de leurs ancêtres, il les fait rougir de leur nullité présente et leur propose en exemple, pour les piquer d'honneur, les Français, les Espagnols, les Allemands. Il voudrait en faire des soldats, pour en faire ensuite des citoyens. Il les gourmande, les irrite, les blesse même, afin de les arracher à leur léthargie. Mais hélas, sa noble voix devait se perdre au désert. Le ciel n'exauça pas les vœux de ce grand cœur. Ce livre n'est donc pas ce qu'on pourrait croire. Bien loin d'être aride et purement spécial, comme le sujet semble le faire craindre, il est d'une lecture attachante et d'un intérêt général. Les hommes de métier y trouvent les notions stratégiques qu'ils y cherchent, les publicistes la pensée politique et la prévoyance de l'homme d'État. La partie technique de la guerre est subordonnée à la partie morale. Et c'est par ce côté que l'ouvrage est surtout remarquable. Ce n'est plus le Machiavel du prince qui tient la plume, c'est le Machiavel des décades. Composé au milieu des grands événements militaires qui ébranlaient la péninsule, et pour ainsi dire, au cliquetis des armes, ce livre, le dernier sorti de la plume de Machiavel, a, comme le prince, un intérêt de circonstance, indépendamment de sa valeur propre, et c'est à ce double titre qu'il faut l'étudier pour en tirer tous les enseignements qu'il renferme. L'Italie était alors dans un état critique. Le despotisme étranger étendait sur elle son bras de tous les points de l'Europe. Elle était menacée de disparaître du rang des nations. Florence ne devait pas échapper à ce grand cataclysme. Dans ces conjonctures difficiles, les Médicis eurent des velléités de résistance. Un mémoire fut demandé par le pape à Machiavel sur ces mêmes fortifications que Michel-Ange devait bientôt réparer et reconstruire. Le mémoire présenté, l'auteur fut envoyé à Modène afin de conférer avec Guicciardini sur la crise qui se préparait. Tous ses soins étaient superflus, toutes ses précautions inutiles. Florence devait avoir encore un beau jour avant que de succomber. Mais sa ruine était inévitable. Son heure avait sonné. Machiavel n'était pas homme à se bercer d'illusions. En vain conseillait-il les moyens fiers et énergiques. Il savait bien lui-même qu'il ne pouvait être entendu. Les âmes étaient énervées, les courages amollis, et les yeux mourants du citoyen versèrent des larmes amères sur l'avenir trop clair et trop prévu de sa triste patrie. Ses derniers jours furent douloureux. Il vit les armées impériales triompher insolemment des derniers efforts de l'indépendance italienne. Il vit le saccage de la cité sainte et la peste. Désolé Florence, affreux avant-coureur de l'irrévocable servitude. Il mourut le 22 juin 1527, sans que la Providence eût réalisé un seul de ses rêves. Telle fut la vie de Machiavel, de cet homme si plein de contradictions, qu'on se demande s'il n'était pas d'eux. Contemporain des Médicis et des Borgia, il avait commencé par célébrer les habiles et immoler tout au succès, mais les instincts nobles l'emportèrent. Il eut des aspirations grandioses. Il fit des vœux magnanimes. Il voulut l'homme libre et respecté, les peuples forts et puissants, et il rechercha dans les institutions humaines tout ce qui pouvait conduire à ce double but, la République expirante. Il met sur l'autel la gloire, l'honneur, la vertu, et il s'exprime en termes si austères, si convaincus, qu'on dirait un prêtre inspiré. Puis, tout à coup, le doute le gagne, frappé comme Tacite de je ne sais quelle fatalité mystérieuse qu'on dirait présider aux destinées générales de l'humanité. Il se jette dans l'infini. Il tombe en des superstitions étranges. Il adore la fortune et rend un culte à l'imprévu. Alors ce n'est plus l'homme pratique, le logicien froid et rigoureux. C'est un rêveur sceptique, un prophète découragé, que l'Esprit de Dieu a quitté. Nul homme plus que lui n'a été frappé de ce qu'il y a de décevant, et souvent d'ironique, dans le train des affaires humaines. Il semble parfois à l'entendre qu'il a vu s'asseoir sur le trône du monde quelque générailleur qui s'en vient déjouer les plans de la sagesse et brouiller les fils si patiemment tissés par la prévoyance. Ainsi Machiavel a vécu de toutes les vies. Jamais existence ne fut plus complète. Cette organisation mâle et puissante toucha l'univers par tous les points. Il n'y a rien qu'il n'ait compris, rien qu'il n'ait éprouvé. La postérité lui a tenu peu compte de cette universalité d'intelligence. Quelques doctrines erronées, injustifiables, se trouvaient dans ses premiers écrits. On oublia tout le reste, on l'écrasa sous le poids de son propre sophisme, on l'ensevelit tout vivant sous ses pages maudites. Chaque génération, en passant, lui jeta son anathème, et son nom même fut une insulte. Mais si l'on remonte à l'origine de ce déchaînement universel, on trouvera qu'il fut provoqué par les princes qui poursuivaient en Machiavel non leur complice, mais leur ennemi. On ne pardonna pas aux citoyens son amour de la liberté et son culte pour la République. On lui pardonna moins encore le mépris dont il ne cessa de flétrir les nations qui se laissa servir. Les peuples aveuglés ne comprirent pas qu'ils étaient dupes. L'esclave épousa la querelle du maître et la haine du grand Florentin se perpétua des pères aux enfants. Les plus aveugles furent les Italiens. Ils le furent jusqu'à l'ingratitude. Devait-il oublier que Machiavel porta l'Italie dans son cœur et que son dernier soupir fut pour elle? Ne rêvait-il pas le premier, la grande et sainte unité qui doit réunir en un faisceau de frères les tribus dispersées de la péninsule de douleur? Ne proposa-t-il pas au prince lui-même cette glorieuse entreprise? Fut sa faute si le prince ne la tenta pas? Est-il comptable des calamités de son siècle? Est-ce lui qui avait soufflé l'égoïsme et la corruption au cœur des Médicis et des Borgia? Et quand il fut là, enfin, d'implorer les trônes qui ne l'écoutaient pas, n'est-ce pas vers le peuple qu'il se retourna? N'est-ce pas lui qui proposa, avant tous les autres, la création de ces milices nationales qui auraient pu préserver l'Italie? Ainsi, les deux plus grandes pensées de l'Italie moderne, l'unité et l'institution de la milice, lui appartiennent tout entière. S'il n'eut pas le bonheur de les voir réalisées, qu'il reste au moins la gloire de les avoir conçus. Et quant à ses erreurs, à ses fautes, ne nous montrons pas trop impitoyables. La fortune ne les lui a-t-elle pas fait expier assez durement par ses outrages? Ainsi s'achève Machiavel par Charles Didier.